Chapitre 17e, chez Monsieur le maire. Vers le soir, Monsieur Laurent demanda une voiture et se fit conduire à Itonville. Itonville est un petit village en pleine campagne, au milieu des champs, situé à une dizaine de kilomètres de L'Aigle. Cependant, tandis que Monsieur Laurent se rendait chez Monsieur Billemant, là-bas, Paulin Broquet et ses seconds ne demeuraient pas inactifs, et d'un autre côté, il était à croire que le mystérieux voyageur à la valise ne s'endormait pas non plus en chemin de fer. Paulin Broquet, peu après le départ de M. Laurent dans une voiture de louage, était monté dans l'automobile qu'il avait amené hier soir avec son second Lamorce. Quant à Gabriel, qui jouait le Guy Boiseau, il devait tenir son rôle jusqu'au bout, on le cueillerait plus loin. L'auto-conduite avec une adresse merveilleuse par un des agents de Broquet fit d'abord le tour du village, revint sur sa route, tourna autour de la propriété du maire, semblant hésiter, chercher la route. Quand Paulin Broquet et ses hommes eurent bien étudié les lieux, vu ce qu'ils tenaient à voir, ils se décidèrent à se renseigner auprès d'un paysan qui leur donna les indications désirées. Puis ils partirent à grande allure. Mais comme ils venaient de s'éloigner, arriva une autre automobile contenant 5 personnes. Il était alors 5 heures du soir. La nuit commençait à tomber. Ces voyageurs, des Parisiens certainement, s'arrêtèrent dans le seul café du village, puis 2 d'entre eux se dirigèrent vers la mairie. Ils demandèrent à parler au maire, mais les bureaux de la mairie étaient fermés. Cependant, on leur indiqua la demeure de M. Billemant, au bout du village. Un gamin les y conduisit, qui eut pour sa peine une belle pièce blanche. M. Billemant, nous le savons, attendait la visite de son gendre qui n'était pas encore arrivé. Il se tenait dans son bureau, lisant les journaux du matin qui ne lui parvenaient qu'à 7 heures. Le coup de cloche des touristes lui fit lever la tête. Il crut que c'était M. Laurent et s'étonna de voir quelqu'un l'accompagner. La vieille bonne, après avoir ouvert la porte de la grille du jardin, fit taire les 2 énormes gardiens Pato et Miro qui aboyaient à révolutionner tout le canton. Les automobilistes essayaient aussi de calmer les bonnes bêtes avec des appels engageants, des mots flatteurs. Ils traversèrent le jardin et pénétrèrent chez M. Billemant, guidés par la vieille bonne. « Nous vous demandons pardon, monsieur le maire, » dit l'un d'eux, un jeune homme à la figure avenante et distinguée, coupé d'une fine moustache noire. « Nous vous demandons pardon de vous déranger et de pénétrer ainsi à 7 heures chez vous. »« Messieurs, » dit M. Billemant, étonné de ne pas reconnaître son gendre, « veuillez vous asseoir, je suis tout à votre disposition. »« Votre pays nous plaît infiniment. On nous l'a dit assez giboyeux. » Nous voudrions savoir s'il y a encore quelques chasses à louer. » Le maire donna aux touristes chasseurs les renseignements qu'il désirait, et après quelques instants d'entretien sur la chasse, le pays en général, les propriétés qu'on pourrait acquérir, les touristes, pour ne pas abuser de l'amabilité grande du maire, prirent congé de lui et se retirèrent, le remerciant de son bon accueil. Ils le félicitèrent sur son jardin, sur les chiens qu'en connaisseurs ils admiraient, et prirent congé. Ils allaient retrouver les 2 autres touristes qui se trouvaient au café. Montés en voiture, ces derniers demandèrent « Eh bien, ça y est, les chiens ont leurs boulettes. Et la maison ?»« Des plus simples, comme toutes ces bicoques. La porte facile, l'escalier solide, les appartements au premier. Ce sera un jeu d'enfant. » Mais les automobilistes qui parlaient ainsi ne s'étaient mis en chemin qu'au moment où ils avaient vu M. Laurent sonner à la grille du jardin de son beau-père. M. Billemant, après avoir reconduit ses visiteurs, estimant qu'il était inutile d'allumer déjà sa lampe pour lire les journaux, préféra rester au jardin et fumer tranquillement sa pipe, en attendant l'heure du dîner et aussi la venue de son gendre, certes, avec moins de plaisir que la bonne soupe aux choux qu'on lui préparait en ce moment. Lui-même, au coup de sonnette de son gendre, vint ouvrir la grille. « Ah, c'est vous, Laurent, entrez, entrez !» M. Billemant, pour son honneur, pour l'honneur de la commune qu'il administrait, ne voulait pas laisser voir au dehors les dissentiments de sa famille. Le maire devait donner le bon exemple au pays. Il s'enquit donc des nouvelles de la santé de sa fille et répondit complaisamment à celle que lui demandait son gendre sur la sienne propre. « Ça va, ça va. » Il ajouta, très bon homme, « On a le temps de finir sa pipe ou son cigare avant le dîner. » Il entraîna M. Laurent dans sa promenade, lui parla des céréales, des bestiaux, des fabriques d'aiguilles, de tout enfin, des pommes, du cidre, sauf de ce qui intéressait son gendre anxieux. Mais le maire d'Itonville était un extrait de Normand, aussi pur que son jus de pomme, aussi fort que son eau-de-vie de cidre. il demeurait impénétrable. « Ah ah, mon gendre, » dit-il en s'asseyant à table, « vous me prenez un peu au dépourvu. Vous n'allez pas faire un de ces bons petits repas dont vous avez l'habitude à Paris, mais c'est de la soupe aux choux, faite avec de vrais choux et du lard, du vrai lard. Ça vous changera un peu de la cuisine de Paris où tout est artificiel. Enfin, goûtez-moi ça. Vous vous en êtes déjà régalé, autrefois ?» Après la soupe, on servit le lard, après le lard un camembert, dont le lieu d'origine voisin certifiait l'authenticité et la qualité, puis on enleva le couvert. La vieille bonne qui, maître Jacques, assure le service de toute la maison, fourneau, salle à manger et chambre, apporta une bouteille de vieille eau-de-vie de cidre. Le maire d'Itonville tira sa pipe, M. Laurent coupa le bout d'un cigare et tous deux, silencieusement, dégustant leur petit verre, se mirent à fumer. Au bout d'un assez long moment durant lequel M. Laurent connut le supplice du saint qui porte son nom, le maire d'Itonville se décida à prendre la parole. « Généralement, après dîner, je ne parle pas d'affaires parce qu'on a la tête un peu lourde. Je parle seulement politique, parce que si l'on dit des bêtises, ça n'a aucune importance. Cependant, avec vous qui êtes mon gendre et qui venez de loin pour cela, je consens à déroger à mes habitudes. Je vous en suis grandement reconnaissant. C'est inutile. Voyons, votre femme, qui est ma fille, m'a écrit une longue lettre très alarmée au sujet de vos affaires. Ça ne va donc pas, hélas. Allons, il ne faut pas se décourager, se laisser abattre, ça ne vaut rien. Vous êtes un garçon très intelligent, dont j'ai pu apprécier le savoir-faire. Votre maison marche, je le sais. Vous devez gagner pas mal d'argent. Vous n'avez pas de gros défauts, vous n'êtes ni coureur ni joueur. Vous aimez beaucoup votre femme, votre intérieur, je sais tout ça. Donc je ne vois pas comment vous avez pu vous laisser déborder. Octavie me parle de ruine, de déshonneur. Je ne sais plus quoi encore de terrible. Octavie exagère. Nullement, s'écria M. Laurent. Octavie ne vous a dit que la triste vérité. Oh, qu'avez-vous fait pour cela? J'ai tenté des spéculations qui devaient marcher. Toutes les spéculations doivent marcher quand on les tente, et les vôtres, comme toutes les autres, sont restées en chemin. C'est cela. C'est pardonnable, on peut se tromper, oui. J'aime à croire que vous ne vous êtes pas, à la suite de ça, enfoncé dans l'engrenage des combinaisons d'emprunt et d'usure, auquel cas vous seriez absolument inexcusable. Je dois vous dire, un véritable homme d'affaires ne s'y laisse pas prendre. C'est certain, mais quand on a recours à la malhonnêteté des autres pour se tirer d'affaires, c'est que l'on est soi-même sujet à caution. Le maire d'Itonville se tut. Il se versa un nouveau verre d'eau-de-vie, en offrit à son gendre. M. Billement reprit enfin brusquement. « Combien vous faut-il ?» Cette fois, M. Laurent tressaillit. Se serait-il trompé? Et le beau-père serait-il pitoyable? Il reprit confiance. « 10 000 francs, balbutia-t-il. « 10 000 francs ? C'est beaucoup, ou c'est une misère, ça dépend. » « Pour moi, en ce moment, » M. Billement demanda. « C'est une échéance ? Oui. » Eh bien, on la reportera. Non. Mais si, vos créanciers vous connaissent, vous apprécient, ils savent ce que vous valez. Ils ne voudront pas vous causer d'ennui pour ces 10 000 francs. C'est un seul créancier. Il est inexorable. Un seul, c'est plus grave. Mais si vous insistiez, il est mort, subitement. Diable, fâcheux. Et l'administrateur nommé ne va rien consentir, rien accorder. Je comprends. C'est très fâcheux. Mais voyons, parmi vos relations, vos amis de Paris, vous devez en trouver pour vous avancer cette somme. Je ne veux pas faire connaître mes ennuis. Je comprends cela aussi. Mais vous pouvez certainement avoir un crédit de 10 000 francs dans Paris. Vous n'avez pas cherché? Je n'ai pas trouvé. Pas trouvé 10 000 francs? Non. Ah, c'est qu'alors vous ne valez pas 10 000 francs. Et puisque vous êtes obligé de faire auprès de moi une démarche qui doit beaucoup vous coûter et que ma fille a déjà essayé de préparer, vous seul, monsieur, pouvez nous sauver. Vous êtes donc perdu. Absolument. Un homme comme vous, qui avait ce que vous possédiez, s'il se dit perdu pour 10 000 francs, n'est pas un homme qu'on puisse sauver avec 10 000 francs. Taratata. Après ces 10 000 francs, il y en a tout un bataillon d'autres qui vont accourir. Je vois ça. Vous donner 10 000 francs, c'est verser une goutte d'eau dans le désert, c'est inutile. Mais alors? Je refuse, parbleu. À quoi bon? Vous ne comptez pas que je réglerai ainsi toutes vos dettes? Donc je n'ai pas à régler la première plus que les suivantes. « Mais monsieur !» s'écria M. Laurent désespéré. « C'est ma ruine. J'en ai peur. Je m'adresse à vous au nom de votre famille. dans laquelle vous êtes entré malgré moi. Au nom de votre fille, elle a préféré être votre femme que mon enfant. Au nom de notre honneur à tous. Le vôtre seul est en danger. Ici, le mien est à l'abri de toute éclaboussure. Mais si mon eau est déshonorée, ma femme sera atteinte par ma honte. Elle peut divorcer, alors ça réparera. Si je me tue, elle sera veuve et pourra refaire sa vie brisée par vous. Vous êtes inexorable, sans cœur, sans pitié. Le maire d'Itonville arrêta son gendre d'un geste bref. « Pardon, mon ami, n'employez pas de grands mots, ça me trouble. Je suis un paysan, moi, simple, à qui il faut dire les choses tout de go, comme je l'ai dit moi-même. Je viens de vous dire que si je n'étais sauvé de la ruine, je devais me tuer. Moi, je vous ai montré que cette perspective, ce deuil, ne pouvait me faire commettre ce que je regarde comme une sottise. Ma fille seule m'attache à vous, mais vous, si vous disparaissez, d'une façon ou d'une autre, ma fille me revient, donc concluez. Ah, vous êtes un barbare. Non, un Normand seulement. Un Normand que vous avez trompé, une fois. Vous avez abusé de sa bonté, de son amitié, pour lui voler sa fille. N'ayant plus d'affection autour de lui, il est devenu impitoyable. Son cœur s'est racorni parce que vous lui avez enlevé ce qui le rendait tendre. Ne vous en prenez donc qu'à vous, de ce qui vous est arrivé. Et se levant, il conclut. Moi, je n'y peux rien, aujourd'hui. Puis, changeant de ton, il ajouta, très calme. Voici l'heure où je vais me coucher. J'ai besoin de repos. Demain, je dois aller loin surveiller des ouvriers. On vous a préparé une chambre. J'espère que vous couchez ici. Bien, je vous laisse. Bonne nuit. Et froidement, il sortit, après avoir secoué dans la cheminée la cendre de sa pipe.